dis-leur que j'ai fait ça, dis-leur que je voulais pas. Demain m'attendait là, un fusil sous les bras. Sendal me connaît pas, je sens mon doigt qui bouge. Et puis j'ai vu du noir, et puis j'ai vu du rouge. J'avais des pensées sombres, noyées dans la grégousse. Des trucs à foutre le blues, à un chanteur de blues. J'avais le feu dans les yeux, c'est trop tard pour prier. Puis j'ai fait taire mon ange, et j'ai tout oublié. Elle m'a dit mon amour, je souffre de tes choix. J'ai peur des prochains jours, j'ai peur des prochains mois. Il a dit mon enfant, cette fois tu m'as déçu. J'ai dit je t'aime papa, je ne te reverrai plus. Pour bluffer les gamins, faire un dernier sourire, faire un signe de la main. Si j'avais su le prix pour qu'un voyou décolle, j'aurais soigné la vie, j'aurais soigné l'école. L'espoir c'est pas de l'eau, l'alcool c'est pas du lait. Je ne suis plus Roméo, elle n'est plus Capulet. Sourd, aveugle et muet, laisse mon cœur à la fouille. Le futur improvise, le destin se débrouille. Dis-leur que c'est pas moi, dis-leur que c'est les autres. Vos problèmes sont les miens, mes billets sont les vôtres. Dis-leur que j'oublie rien et que demain non plus. Hier me manque déjà, je ne le reverrai plus.